Exercice 13, page 97. La sonnette de la porte d'entrée résonne. Depuis 15 secondes. Ce n'est certainement pas sa maman. Oscar se frotte les yeux, assis sur son lit. Avant un grand bol de café noir, il ne sait rien faire. Les coups sur la porte se poursuivent. Oscar se décide enfin à aller ouvrir.